Chapitre 35e. Une vis n'est pas un clou. Mais enfin, le directeur et la commission étaient aujourd'hui de bonne humeur. Il fut décidé, avec toutefois inscription au procès-verbal, qu'après avoir tiré au sort la troisième caisse, on en ferait ouvrir une quatrième par surcroît de vérification. La troisième caisse fut donc ouverte, les sacs vérifiés, pesés, replacés, et le directeur, conciliant, se tournant vers M. Ramard et Paulin Broquet, leur dit avec une pointe de raillerie « Maintenant, messieurs, voulez-vous nous désigner votre caisse ?» Le directeur était, comme tout le monde, parfaitement certain de l'inviolabilité absolue de ses caves. Il pouvait bien, par courtoisie, par condescendance, se prêter à ce désir. Paulin Broquet, donc, sur la demande de M. Ramard, conduisit la carabine dans le caveau où se trouvait, parmi les autres, la caisse qui tout à l'heure avait attiré son attention. D'instinct, les membres de la carabine officielle regardèrent de tous côtés la voûte, les parois, le sol, puis les caisses rangées sur leurs rayons. Tout était parfaitement en règle et rien d'anormal n'apparaissait. « Quelle caisse nous désignez-vous ? » demanda le directeur à Paulin Broquet. Le détective répondit. « Avant de vous l'indiquer, je demanderai à M. le directeur si l'une quelconque de ces caisses qui se trouvent dans ce caveau aurait pu être désignée par le sort pour être visitée. » « Mais absolument. » Le sort pouvait indiquer une de ces caisses. Alors je vous demanderai encore si dans ce groupe de caisses, l'une d'elles a déjà été désignée par le sort. Rien de plus facile à reconnaître. À quoi? Quand une caisse a été vérifiée, elle porte un cachet spécial. Le directeur ajouta, « D'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, précisément ce caveau a été favorisé à notre dernière visite. » Et se penchant sur l'une des caisses, « Voici celle qui a été désignée par le sort. » Paulin Broquet dit alors, « Précisément, monsieur, c'est celle que je voulais vous demander de faire vérifier. » De nouveau, les regards se portèrent sur Paulin Broquet. On se demandait maintenant s'il convenait de se prêter à pareille plaisanterie. « Si vous voulez qu'on ouvre cette caisse, » demanda le directeur, « si cela ne vous désoblige pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui désigne plus spécialement à votre attention cette caisse ?»« Oh, un rien, monsieur le directeur, un presque rien. Un simple détail que seul Maloupe, dont je sais bien qu'on se moque parfois, Maloupe m'a permis de découvrir. » Voyons cela. Le directeur, les membres de la commission, les hommes de la banque s'approchèrent de la caisse, l'examinèrent et ne lui trouvèrent rien d'anormal. L'armature de fer est intacte, les cachets sont entiers, on n'y a certainement pas touché. Tout est réglementairement indemne, administrativement en parfait état, conforme au procès-verbal établi. Certainement, fit Paulin Broquet. Alors, monsieur, que voyez-vous? Ceci, tout bonnement, une vis qui a percé le bois, c'est tout. « C'est tout, oui, messieurs, c'est tout. »« En effet, » dit le directeur du ton un peu pincé de l'homme qui se croit mystifié, « en effet, il fallait votre loupe merveilleuse pour voir cela, et votre esprit prompt aux suspicions pour y attacher quelque importance. »« C'est exact. Ma loupe est le meilleur auxiliaire de mon esprit soupçonneux, inquiet. Elle me fait voir à moi des petites choses qui, tout d'un coup, deviennent énormes pour les autres. »« Mais enfin, monsieur, une vis qui perce le bois, cela peut arriver, c'est tout naturel. » Permettez-moi de ne pas être tout à fait de votre avis et de vous en donner la raison. Nous vous écoutons avec attention, monsieur. Je vous en remercie. Paulin Broquet dit alors, « Si l'on prend la précaution de mettre des vis et non des clous, c'est avec intention, pour plus de solidité. Une vis ne se pose pas comme un clou. On commence par faire un trou avec un poinçon, puis on y glisse la vis et on tourne afin de la faire mordre dans le bois. Ce travail est généralement bien exécuté, surtout dans des cas comme celui-ci. Le poinçon pique droit et la vis s'enfonce droit dans la planche. Elle ne doit pas sortir comme celle-ci, dépasser la planche dans laquelle elle mord, surtout quand la planche est épaisse comme celle dont sont faites ses caisses. Qu'en concluez-vous? Ceci. Cette vis n'a pas été vissée, mais enfoncée d'un coup de marteau. Pardon? Fit un garde assermenté. C'est moi-même qui suis chargé de ce travail et qui le fais devant la commission. Paulin Broquet écouta très poliment, avec son flegme imperturbable, la protestation du garde. Puis il reprit avec calme. « Cette vis n'a pas été vissée. Elle a été enfoncée d'un coup sec assez violent. Ce qui m'en donne la preuve, c'est qu'elle a dévié. Et ce sont ces petits morceaux de bois, ces éclats qui rayonnent autour d'elle qui me l'affirment. Une vis pénètre dans la planche sans faire éclater le bois, mais une vis qu'on enfonce comme un clou ne manque jamais de produire des effets. D'ailleurs, messieurs, nous allons tout à l'heure nous convaincre de ce fait d'une autre façon. » Le directeur intervint. « Cependant, monsieur, admettons qu'on ait enfoncé cette vis comme un clou. Cela ne prouve rien. On a pu ouvrir la caisse. Pardon. Si la caisse n'avait pas été ouverte, on n'aurait pas eu besoin de la fermer, rapidement, brusquement, sans avoir eu le temps ou sans avoir voulu visser la vis. Les serrures répondent de l'inviolabilité. Si vous voulez me donner seulement un des sacs que contient non pas cette caisse, mais une autre, bien vissée, je me charge d'ouvrir devant vous les serrures qui sont à vos yeux la meilleure garantie de l'inviolabilité de celle-ci. Mais même les cachets sont intacts. Avant même d'ouvrir les serrures, je soulèverai également les cachets et le remettrai sans qu'il soit possible de s'en apercevoir par la suite. » Il ajouta en souriant. « Sans vous faire plus attendre, je vais vous dire comment je m'y prendrai et quels moyens ont dû employer ceux qui ont fait sauter ces cachets. Voyons, monsieur. Avec un couteau à palette chauffé sur une petite lampe à alcool, je passerai sous les cachets de cire de façon à racler le bord, mais à ne pas endommager l'empreinte. Le cachet se soulèvera comme par enchantement. Vous ne pourrez le remettre sans le détériorer, sans faire chauffer la cire, sans la faire fondre. Si je n'étais certain de le remettre en parfait état, je ne prendrais pas la peine de l'enlever avec tant de précautions. Bien, le cachet est enlevé, admettons-le, comment ferez-vous pour le remettre? Bien simplement, toujours avec mon couteau à palette, je ferai chauffer un peu de baume de Canada. Le baume de Canada est, comme vous le savez, ce produit résineux avec lequel on colle les objectifs de lorgnette de photographe. Il a cet avantage de coller admirablement et d'être aussi transparent que du cristal, puisqu'on le place entre les verres optiquement travaillés sans qu'il atténue en rien leur clarté. J'étendrai mon baume de Canada sur le bois, je replacerai le cachet enlevé. Le cachet sera collé une fois le baume refroidi et il sera impossible de s'apercevoir de la supercherie. Voilà ce qui a été fait ici. Est-ce que ma loupe seule permet de reconnaître ? Maintenant, le directeur et sa caravane officielle ne se sentaient plus envie de sourire des intuitions de Paul Ambroquet. Les membres de la commission se regardaient entre eux avec des yeux anxieux, désirant et redoutant tout à la fois les déclarations nouvelles qu'allait forcément faire le détective. Paul Ambroquet venait de tirer un coup de canon d'alarme dans leur quiétude administrative. Cependant, après quelques minutes d'angoisse, d'hésitation, le directeur dit au garde assermenté qui était chargé de cette besogne « Ouvrez cette caisse !» Paul Ambroquet assista, imperturbable et froid, au début de cette opération. Il regarda ouvrir les cadenas, défaire les scellés et enfin commencer à travailler la vis. Aussitôt la justification de ces déclarations se fit, car sous le tournevis du garde assermenté, sous le tournevis administratif, les vis tournèrent, tournèrent indéfiniment, mais ne mordirent pas le bois, ne sortirent pas de leur gaine. On les a enfoncés comme des clous, fut forcé de déclarer l'homme qui les travaillait. Paul Ambroquet n'avait jamais le triomphe bruyant. En entendant ces déclarations, il ne bougea pas et se contenta de se gratter le menton. Il attendait maintenant l'enlèvement du couvercle. Son attente ne fut pas trop longue. 5 minutes après, le couvercle était enlevé et l'intérieur de la caisse apparaissait. Tout le monde se pencha anxieusement sur la caisse et tout le personnel officiel se releva, poussant un grand soupir de soulagement. Les sacs étaient au complet, en leur état habituel, en leur place réglementaire. Encore une fois, les yeux se tournèrent vers Paul Ambroquet avec assurance. Un soupir de satisfaction fut poussé par les poitrines des fonctionnaires. « Vous voyez, semblait-il dire à Paul Ambroquet, que les déductions de votre loupe, votre histoire de vis enfoncée comme un clou et votre invention de baume de Canada ne sont que de la fantaisie. Les sacs sont là, au complet, intacts. » Mais Paul Ambroquet, ne perdant rien de son flegme, répondit à ses pensées qu'on n'osa pas formuler tout haut et qu'il devina « Les sacs sont là, c'est incontestable. Mais croyez-vous qu'on a pris la peine de reclouer la caisse, de recoller les cachets après avoir ouvert cette caisse et qu'on s'est contenté de regarder ces sacs puis de les remettre ?» Il dit encore « Veuillez faire vider un de ces sacs. » L'homme qui prit le sac dans la caisse et le souleva avait la grande habitude de ce maniement. Il reconnaissait au toucher, au poids seulement, le contenu des sacs. À peine eut-il saisi et soulevé l'un de ceux-ci qu'il le laissa retomber. Sa figure se couvrit d'une pâleur étrange, ses mains tremblèrent, des gouttes de sueur inondèrent son front. Il fit un pas en arrière, manifestant non pas seulement de la surprise, mais de l'angoisse, mais une frayeur intense. « Volé ! » s'écria-t-il. « Ce n'est pas de l'or. On a volé la Banque de France. »